On va passer aux questions du public. On n'aura pas beaucoup de temps, malheureusement, mais on va essayer de satisfaire tout le monde dans la mesure du possible. Oui, allez-y. Je vais commencer. Non, je signalais juste que vous avez terminé par la fameuse histoire qui traîne sur le net depuis des années de Gamal Abdel Nasser, qui n'a pas fait la moindre réforme en matière de droits des femmes. Il ne faut quand même pas l'oublier. Ce n'est pas ce qui m'intéressait, je ne suis pas nassérien du tout. C'était l'idée de vous montrer que le pouvoir politique peut faire face au pouvoir religieux. J'espère que il ne faut pas m'interpréter ma pensée. Mais quand même, on oublie que Mme Nas n'a pas fait la moindre réforme en matière de droits des femmes. Oui, mais ce n'est pas le propos. C'est pas du mais non, moi j'étais juste parce que vous avez dit des choses tout à fait intéressantes sur les études postcoloniales. Mais je voudrais peut-être relever deux choses et vous demander ce que vous en pensez. Première chose, et ce n'est pas neutre du tout, les études postcoloniales sont nées et se sont développées en Occident, dans les populations, dans certains segments de population, c'est-à-dire chez une certaine partie des intellectuels issus de l'immigration, bien que ce soit un terme que je n'aime pas du tout, issus d'eux, mais enfin... par facilité, hein, disons ça. Et donc, en fait, sont nés dans des segments intellectuels, disons, d'émergence de classe moyenne dans ces populations-là, et ces classes moyennes ne trouvant pas, ou estimant qu'elles ne trouvaient pas leur place dans la société dominante. Et de là a émergé cette pensée postcoloniale qui, moi, je pense que c'est très intéressant, dans la mesure où elle n'existe pas, où elle était importée dans les pays du Sud, dans les pays arabes. Elle n'est pas née dans les pays du Sud, dans les pays arabes. Première chose, je voudrais savoir ce que vous pensez de cela, parce que c'est extrêmement important pour comprendre la nature et la santé de cette pensée postcoloniale. Et résultat de cela, les auteurs que vous avez cités, mais bien d'autres, ont une critique d'une violence extrême vis-à-vis des féministes laïques du monde arabe et musulman. C'est-à-dire que pour elles, pour les théoriciennes postcoloniales, les féministes séculières, disons, ou laïques, du monde arabo-musulman, sont des prêtresses totales à la communauté à leur rôle. Et je terminerai juste en citant un texte de Khalil Boutanja, indigène de la République, qui dit qu'une femme violée par un arabe ou une femme violée par un blanc, la femme violée par un arabe, la femme arabe violée par un arabe, c'est moins grave que la femme violée par un blanc. Moi, c'est tel que, je sais. Dans la mesure où la femme violée par un blanc subit une double oppression, l'oppression coloniale et l'oppression viriliste, tandis que la femme violée par un arabe n'en subit qu'une, l'oppression viriliste et pas l'oppression coloniale. On va peut-être prendre aussi... Oui, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Je prends le relais sur les études postcoloniales. Certes, elles sont nées dans les pays anglo-saxons. Cependant, elles se sont beaucoup inspirées de la théorie française, notamment du post-modernisme, de Derrida, de Foucault, etc. La French théorie. Voilà, exactement. Et puis, je crois que dans les pays arabes, maintenant, on s'en revendique de plus en plus, mais c'est leur réception qui est, bien sûr, très, très, je ne dirais pas caricaturale, mais simplifiée à l'excès. D'autant plus que, là encore, on va insister sur le pluriel. Il y a des théories postcoloniales, non pas une. Omi Baba, par exemple, il est dans le tiers-espace, c'est-à-dire dans une double critique, n'est-ce pas, des deux des polarités. Et par ailleurs, le féminisme matérialiste aussi, tel que Christine Lepuy, par exemple, le représente en France, défend le statut des femmes voilées, notamment en France. Mm-hmm. Et il le défend dans une perspective de critique du capitalisme qui veut uniformiser tout le monde simplement pour des questions de comment dirais-je, financières. Voilà. Dans une petite relativisme. Ok, ça, s'il vous plaît. Oui, je reprends, merci de me rappeler cet aspect. Le relativisme en question n'est pas un relativisme absolu et béat, c'est simplement une manière de dire que l'universalisme à la française est trop abstrait et qu'il est trop européano-centré et qu'il faudrait qu'il prenne en considération l'historicité, les contextes, etc. etc. Mais Reda, on n'est pas non plus dans le culturalisme pur et dur qui, comme l'exemple que vous venez de citer, de dire qu'une femme voile est violée par un arabe, ce serait moins grave que une femme violée par un blanc ou par un homme de sa communauté. Ok. Oui. Reda d'abord, et puis madame. Oui, moi, deux commentaires hein, sur la présentation de Nassim Abdourin, qui montre clairement que le voile dans la post- ou hypermodernité est selon le contexte. Donc, dans les photos, à travers les photos, dans l'Iran, on voit que le voile invisibilise, la femme disparaît, et elle a accès à un champ de vision extraordinaire. Et dans le monde occidental, vous montrez bien que le voile devient quelque chose de chic, branché, de high. C'est aussi par là que la femme apparaît, c'est-à-dire que sans le voile, elle disparaît en Occident. Et donc c'est un mécanisme dans cette hypermodernité qui est intéressant. Et c'est en lien avec les remarques de Michael Mappes sur les théories postcoloniales. Moi aussi, je goûte très peu dans les théories postcoloniales, mais il faut reconnaître que dans le contexte français, la critique, j'ai un ami Jean-François Bayard qui a écrit un livre qui déconstruit complètement les études postcoloniales. Mais en France, ça serait valide s'il y avait un travail mémoriel sur la question du colonialisme. Ce travail n'a pas été fait. Donc ça donne du crédit. Et c'est pas un hasard si c'est en Amérique du Nord qu'on a cet écho. Oui, mais, il y a des pays qui n'ont pas... Justement, en Amérique du Nord, ce qui est plus important, me semble-t-il, c'est les théories qui sont nées chez les femmes noires américaines de l'intersectionnalité. Et qui ne sont pas du tout les théories postcoloniales. Mais les théories de l'intersectionnalité, effectivement, apportent des motifs de réflexion extrêmement riches. Hein. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en France, on se méfie des théories postcoloniales, pour certaines causes, à juste raison, mais on a pris aussi, parce que ça fait partie d'une mouvance, et la théorie du genre a bien percé en France, et je ne suis pas sûr que ce soit... je veux dire, en tout cas, par le haut, ça a été... Il y a eu un certain nombre de débats sur la théorie du genre. Non, mais la théorie du genre, il y a que les anti-genres qui parlent de la théorie du genre. On va prendre peut-être la dernière question, s'il vous plaît. Moi, je voudrais... Bonjour. D'abord, merci pour les exposés. Je pense que ça apporte quand même un nouveau angle dans ce débat qui est très absent, à mon avis, sur la validité de théorisation à partir de... Voilà, de trois... éléments que vous avez apportés dans les études postcoloniales, est-ce que ça donne une agence aux femmes? Est-ce que ça résout la question du regard colonial? Est-ce que ce n'est pas un regard envers de médaille, un peu un regard néocolonial? Tout ça, mais à mon avis, ça doit être approfondi. De toute façon, dans mon exposé, je vais aller un peu à partir d'une expérience concrète, qui est l'expérience iranienne, qui a inspiré quand même pas mal cette théorisation sur le féminisme islamique, d'aborder, d'approfondir les questionnements. Mais sur la question de représentation du voile dans les photos, moi, j'avais une question aussi à poser à M. Merci, Mme Boudrin. Voilà. C'est, est-ce que vous pensez, puisque là, c'était... Est-ce que vous, à partir des différents artistes que vous avez vus, puisque ces artistes-là ne viennent pas au monde occidental. C'est-à-dire dans l'orientalisme, dans l'art et la peinture, c'est quand même toujours le concept qui est développé ou le regard développé par les occidentaux vers l'oriental. Ici, on voit de l'intérieur la question. Et même dans ce cas, il y a quand même parfois, par exemple, les travaux sont inculpés de certains orientalismes. C'est-à-dire sont critiqués sous cet angle-là. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Parce que ça m'a toujours interpellée, puisque, bien sûr, Shadi, c'est pas Shadj, son prénom, c'est Shadi. Oui. Shadi, ça veut dire la gaieté, la joie en tant que personne. Et donc, voilà, cette femme-là, par exemple, Shadir Adilian, qui était parmi les artistes, qui est quand même très exotique parfois. Moi, je ne sais pas comment vous qualifiez certains de ses travaux. On pourrait voir un regard un peu exotique, c'est vrai. Pas occidental, pour moi, exotique un peu de, vers le voile. Mais est-ce que ça ne traduit pas plutôt cette étrangeté de ce voile imposé? Puisque le contexte politique est tel que ce voile imposé devient presque exotique. C'est ça, ça devient presque étrange. Et là, c'est intéressant quand même. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Puisque vous avez abordé l'élément commercial qui est tout à fait vrai. L'élément commercial, les gens sont intéressés, donc ça apparaît exotique en Occident, c'est l'Occident qui achète. Mais à l'intérieur de l'Iran même, ou à l'intérieur des autres pays, ça peut être aussi exotique, puisque ce n'est pas du tout familier, ce genre de voile même. Merci beaucoup, madame. Donc, madame est partie, alors peut-être aussi Bruno, pour répondre. Non, mais il y a plusieurs personnes. Ah, bon, ok. D'accord. Elle est partie. Oui, oui, oui. Bruno. Bon, Oui, je vais répondre brièvement parce qu'il me semble que il y a deux points dans votre question. Il y a d'une part des rapports qui seraient des rapports Orient-Occident, quelque chose comme ça, et d'autre part l'exotisme du voile. Alors sur l'exotisme du voile, d'abord, je pense que vous, en tant qu'Iranienne, je pense que vous le sentez beaucoup mieux que moi, et de toute façon, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je peux tout à fait souscrire à cette interprétation. Et en partie, il y a effectivement de prendre le voile comme une chose, après tout, étrange et qu'il est très difficile de s'approprier. Et je pense, en fait, qu'encore aujourd'hui, pour un certain nombre d'Iraniennes, c'est aussi quelque chose d'assez pénible au quotidien. Et donc, en ce sens, d'étrange, quoi. Donc là-dessus, je souscris. Sur Orient-Occident, je serais beaucoup plus prudent, parce que je pense qu'il y a quand même des mélanges, et des mélanges très, très, très anciens. Dans le cas d'Iran, par exemple, je ne vous apprendrai pas qu'il y a une école de peinture réaliste dès la fin du 19e siècle, qui est d'une très grande richesse. Peinture en grande partie hyper réaliste avec l'importation de profs de peinture occidentaux, etc., mais une réinterprétation ensuite spécifiquement iranienne. Voilà, enfin, je pense pas qu'il y ait et quant aux artistes non iraniennes que j'ai montrées, elles vivent carrément en Occident. Et après tout, Maghreb, ça veut dire Occident d'une certaine façon. Enfin, donc, on est toujours l'Occident quelque part, et je pense du coup que jouer comme ça sur un clivage Occident-Orient me paraît un peu difficile. C'est juste, je parlais juste en termes de marché de l'art, encore que là aussi il y a un très gros marché à Dubaï, bien sûr, etc. Mais bon, voilà, je voudrais juste souligner le fait que quand je parle en termes de marché d'art, ça n'est pas du tout à prendre en mauvaise part. Hein, ça n'est pas du tout négatif. Il faut. Je pense que c'est une fonction absolument importante des artistes de réussir à se montrer et à se vendre. D'accord. Alors, donc en réponse à la réflexion sur la question des études postcoloniales, bien sûr, l'exposé en fait n'a pas porté sur le sujet. Je me permets tout simplement, c'est en réponse à la réflexion de Madame Lissis. Donc je me permets de vous indiquer qu'ici même, en fait, nous avons organisé un colloque en 2014 et que les actes viennent de sortir sous forme d'un livre intitulé « Orientalisme ou pluriel occidentalisme » autour de l'œuvre d'Edouard Saïd. Donc je me permets de faire cette petite publicité, c'est sorti au mois de janvier, et on a abordé effectivement cette question des études postcoloniales, notamment à partir de la référence à l'œuvre de Saïd. Donc ce qui m'intéressait en fait dans la référence aux études postcoloniales, c'est que il présente le féminisme islamique comme l'équivalent du black féminisme ou bien du féminisme chicana, et à partir de là, on a cherché à élaborer quelque chose de particulier à l'islam. C'est ce qui m'a intéressé en fait dans votre présentation, vous l'avez certainement remarqué. Et là, il y a quelque chose de dérangeant, et c'est ce que j'ai essayé peut-être de dire, mais ce n'était pas clair, de dérangeant dans leur approche, c'est que, effectivement, on a eu tendance, afin de montrer que le féminisme devrait être nécessairement et immanquablement islamisé, ou bien avoir cette référence par rapport à l'islam, on a essayé de montrer, eh bien, que c'était le cas depuis le 19e siècle. Or, il y a un vrai problème, c'est que les courants du 19e siècle qui ont cherché à réformer le statut de la femme, Qasem Amin par exemple, etc., ou par Al-Haddad en Tunisie, n'étaient pas du tout justement dans la référence à l'islam. Ils étaient dans une pensée parfois positiviste sur le progrès social, et donc, ou bien dans une approche juridique, par exemple, Qasem Amin est un juriste de formation, et donc on n'était pas du tout justement dans cette dynamique de la convocation de la référence religieuse. Et je me souviens d'un travail de l'une des grandes représentantes justement des études postcoloniales et du féminisme islamique, donc Margot Badran, qui critiquait Amin parce que c'était justement quelqu'un d'inféodé aux savoirs occidentaux. Donc à partir de là, en fait, on va accuser tout le monde d'être des orientalistes, quelle que soit la condition, et en fait, on ne sort pas des accusations et de contre-accusations, et après, en fait, on n'avance pas au niveau de la réflexion. Et donc c'est vraiment l'aspect que je n'ai pas du tout aimé, et que j'ai essayé de critiquer dans mon exposé. Les actes protocoloques sont disponibles où ? C'est sorti, c'est un livre chez Hermann. D'accord. Un éditeur parisien qui s'appelle Hermann, et c'est sorti au mois de janvier. D'accord. Avec, sous ma direction et celle de Laurent D'Artigue. Allez-y. Je voudrais juste faire une petite remarque, c'est vraiment dommage parce qu'on parle beaucoup du féminisme islamique et de sa réception notamment dans le monde arabe et en Occident, mais on oublie une autre partie du monde musulman qui est celle du monde malais. Et en fait, le féminisme islamique dans le monde malais, je parlerai surtout du cas de l'Indonésie, parce qu'en Malaisie, c'est quand même assez minoritaire, il y a juste une organisation, c'est Sisterism Islam. Mais en Indonésie, ce qui est très intéressant, c'est que ces féministes-là, elles se sont réappropriées, c'est justement ces études postcoloniales. Elles ont lu, enfin moi j'ai fait beaucoup d'entretiens avec elles, elles les ont lues, mais elles se les ont réappropriées avec le contexte indonésien là. Et elles ne critiquent pas simplement les exégèses qui sont qui font des discriminations à l'égard des femmes, mais elles produisent un nouveau pire, une nouvelle jurisprudence. Et du coup, je trouvais que c'était extrêmement intéressant là, parce que du coup, on dépasse le cadre d'un féminisme islamique au singulier, mais il y a plusieurs. Oui, il y a plusieurs. Il y a plusieurs formes de. Bien évidemment, il y a des flux de discours qui sur ces questions-là, et il y a des formes aussi de réappropriation et d'adaptation à certains contextes. Donc, je pense que c'est aussi important de regarder de quoi on parle et de cette. Il faut en tenir compte, je l'avais répété plusieurs fois, il faut parler au pluriel, définir le féminisme islamique. Si je parle au singulier, c'est simplement parce que je vais aller vite. Alors, c'est sur l'islam en Indonésie, mais je trouve qu'en Indonésie, c'est encore plus. Merci beaucoup pour cette précision. Bon, la dernière question, s'il vous plaît. Merci pour cette intervention. Monsieur Patrandès, vous n'abordez absolument pas l'islam pakistanais. J'ai pu constater extrêmement important et puis très, très visible. Et quand vous allez dans des lieux de culte, elles gardent sur elles leur tenue de sari traditionnelle, pakistanais ou indien, et absolument pas les voiles comme on peut en parler aujourd'hui. Je vais vous taquiner un peu, vous savez très bien que je ne suis pas sociologue, puisque vous avez suivi mes cours. Je ne suis pas du tout sociologue, mon approche n'est pas fondée sur des cas. Donc il y a bien sûr l'islam pakistanais, il y a l'islam dont parlait madame tout à l'heure, l'islam malais, il y a l'islam donc, africain, etc. etc. Mon objectif c'était tout simplement de partir d'une réflexion théorique sur les normes. Sur les normes. Et la liaison donc entre normes et islam, la référence à la religion. C'est vraiment. Après, bien sûr, quand on aborde les cas, on peut entrer dans des subtilités qui dépasseraient bien sûr le cadre et puis qui dépasseraient aussi mes compétences, parce que je ne suis pas spécialiste du Pakistan d'un côté, ni sociologue non plus. Mais ceci dit, nous avons quand même invité des femmes, une femme de l'Inde et une femme du Sénégal. Ça, on va malheureusement, le faire demain, effectivement. Demain, il y a les études. Donc demain, il y aura des études de cas où elles vont parler de leur situation. Et donc, les choses ne sont pas restreintes au monde arabe ou méditerranéen. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre patience. Et puis, on se retrouve demain à 9h30.